Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. La principale richesse de ce micro-État était la noix de cajou. Rien de plus paisible que cette culture et rien de plus idyllique que les paysages de la Guinée-Bissau et leurs 90 îles quasi vierges disséminées au large de la côte ouest africaine, un archipel reconnu par l'UNESCO comme une réserve mondiale de la biosphère. Un vrai paradis qui est pourtant en passe d'être un enfer. Car la minuscule Guinée-Bissau, 1 million d'habitants, est devenue au fil du temps un narco-État, une zone grise où les trafiquants font leurs affaires en toute impunité, une escale africaine sur la route internationale de la drogue et où les autorités, quand elles existent encore, sont impuissantes sinon complices. Et une fois, n'est pas coutume, je commencerai par une citation d'un journaliste voisin, le Sénégalais Alex Ndaye. À Bissau, l'assassinat est la continuation de la politique par d'autres moyens, pourrait-on dire, pour paraphraser le théoricien de la guerre allemand Karl von Clausewitz. Dans ce mauvais western tropical, les obstacles se surmontent, les armes à la main, et les problèmes sont écartés à coups de Kalachnikov. Un président, 2 ministres, 3 chefs d'état-major, une poignée d'officiers supérieurs et quelques députés ont été tués entre 2000 et 2012. En 12 ans, le système politico-militaire mis en place à l'indépendance par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert s'est transformé en une sorte de chronos dévorant ses enfants. La classe politique instrumentalise l'armée qui, à son tour, se joue des responsables politiques. En résulte une instabilité croissante. Le complot, vrai ou faux, est devenu le baromètre des tensions entre les principaux acteurs d'un jeu sanglant qui a eu pour conséquence d'enterrer définitivement la démocratie. Tout est dit, sauf que cette violence ininterrompue est essentiellement alimenté par la corruption, le trafic de drogue et les énormes bénéfices qu'il procure. Dans un instant, le récit de M. X. Thank you. agua, plantas corda, moni piñe que te lanta, y nera su piña ti. El yuba su pilagua, plantas corda, moni piñe que te lanta, y nera su piña ti. Yuba su pilagua, plantas corda, moni piñe que te lanta, y nera su piña ti. El yuba su pilagua, plantas corda. Rendez-vous avec X. Un épisode très récent et assez ahurissant va vous donner une idée de l'importance de cette question de la drogue en Guinée-Bissau. En avril dernier, la DEA, l'Organisation états-unienne de lutte contre la drogue, a tendu un piège à un haut responsable militaire, le contre-amiral Bubo Na Chuto, et a réussi à l'arrêter sur un bateau naviguant dans les eaux internationales. Puis cet officier a été conduit aux États-Unis afin d'y être jugé pour narcoterrorisme. Mais en même temps, un magistrat new-yorkais a inculpé pour les mêmes motifs l'homme le plus puissant de la Guinée-Bissau, le chef des armées, le général Antonio Ndjaye. Qui, lui, n'a pas été arrêté. Ah ben non, parce qu'il s'est bien gardé de sortir de son pays. Mais si vous le voulez bien, je reviendrai sur l'action spectaculaire de la DEA et du piège dans lequel est tombé Na Chuto. Auparavant, quelques données sur ce petit pays de quelques 30 000 km² dont le tiers du territoire est constitué par l'archipel des îles Béjagos. Ouais, des îles paradisiaques. Hein. Oh, très peu peuplées, excessivement riches en faune et flore. Mais cette situation idyllique a aussi son revers. Ces dizaines d'îles ne sont pas ou peu surveillées. N'importe qui peut y débarquer sans être contrôlé. Ouais, et les trafiquants de drogue en profitent. Naturellement. Leurs bateaux qui arrivent d'Amérique latine y transportent sans difficulté leur cargaison de cocaïne. De la drogue qui sera ensuite généralement acheminée vers le vieux continent. La Guinée-Bissau, alors, sert donc de base logistique hein, pour ces trafiquants sud-américains. C'est ça. Et bien sûr, ils disposent sur place de complicité au plus haut niveau. Autre donnée essentielle, la Guinée-Bissau est la seule colonie africaine qui s'est libérée toute seule par les armes. Quand ? En 1973. Rappelez-vous, on en a parlé il n'y a pas si longtemps à propos des rapports que nos services secrets entretenaient avec la police politique portugaise, la sinistre PIDE. Je vous avais dit alors que l'âme de la rébellion bissau-guinéenne contre le colonisateur portugais était Amilcar Cabral. Ouais, un intellectuel marxiste, mais tolérant et surtout non dogmatique. Hein. Et qui avait unifié les causes des indépendantistes de Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Mais les services portugais ont fait en sorte de persuader quelques dirigeants indépendantistes que Cabral favorisait dans son organisation les Cap-Verdiens au détriment des Guinéens. Ouais, alors ils ont incité ces derniers à réagir. Évidemment. Et en janvier 1973, Amilcar Cabral a été assassiné près de sa résidence de Conakry par des éléments de son propre parti qui étaient donc manipulés par les services secrets portugais. Et cela au moment même où Cabral venait de remporter une double victoire. L'élection d'une assemblée nationale, puis en novembre 1972, le vote d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant du Portugal de mettre fin à sa guerre coloniale. La suite sera l'obtention de l'indépendance de la Guinée-Bissau en 1974, après la révolution des œillets. Au Portugal, oui. Mais il n'y aura pas d'union avec le Cap-Vert que Cabral appelait de ses voeux. En effet. Mais je reviens à ce que je disais. Le fait que la Guinée-Bissau ait gagné son indépendance, les armes à la main, va excessivement peser sur son avenir. Et pour quelle raison hein ? À cause du poids des anciens combattants. Ah ouais, alors autant de gens qui estiment que le pays leur doit sa liberté. Et qui vont jouir d'une considérable influence. Et influence veut dire pouvoir. Bien entendu. D'autant que presque tous ces anciens maquisards ont été recasés dans la nouvelle armée bissau-guinéenne. Conséquence, le jeune État va disposer d'une armée pléthorique dont les militaires seront au bout de quelques années trop âgés et trop gradés. Ouais, une armée d'officiers et de sous-officiers. Qui, en raison des états de service de ses soldats dans la guérilla, va progressivement devenir toute puissante. Et aujourd'hui, presque 40 ans après l'indépendance, c'est toujours cette armée qui demeure le véritable socle du pouvoir politique, mais aussi, malheureusement, le pilier du trafic de cocaïne. Ouais. Un État dans l'État, donc. Même si, contrairement à d'autres pays africains, après chaque putsch, elle remet officiellement le pouvoir aux civils. Tout en continuant à tirer les ficelles. C'est la vérité. Autre conséquence de cette importance démesurée de l'armée, c'est son poids financier. un véritable fardeau pour ce petit État sans grandes ressources. D'où les tentatives pour dégraisser cette armée qui compte autant d'officiers que d'hommes de troupes. En 2008, l'Union européenne propose son aide et finit par renoncer devant les difficultés. Puis, en 2010, l'Angola prend le relais et envoie même une force d'assistante en Guinée-Bissau. C'est-à-dire des militaires pour démobiliser d'autres militaires. Oui, mais les Angolais poursuivaient peut-être d'autres objectifs. Ancienne colonie portugaise également. L'Angola, devenue une puissance régionale, n'a jamais cessé de lorgner sur la petite Guinée-Bissau. Et pourquoi? À cause de ses richesses minières et pétrolières encore largement inexploitées. Mais l'Angola n'est pas seule à s'intéresser à la Guinée-Bissau. L'autre géant africain, le Nigeria, convoite aussi ses richesses potentielles. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, les Angolais ont donc envoyé une force en Guinée-Bissau pour l'aider à réformer son armée. Mais ça s'est traduit par un nouvel échec, parce que l'envoi de ces troupes étrangères a provoqué une vraie réaction de rejet. Ouais, mais d'abord chez les officiers du pays, j'imagine. Et qui ont eu beau jeu de dénoncer une occupation étrangère. Et qui ont surtout peur qu'on s'attaque à leurs privilèges. Hein. Et qu'on mette le nez dans leurs petites affaires très fructueuses. Oui. Le trafic de drogue. Évidemment. Autre échec significatif, la tentative de renforcer la police qui aurait pu devenir un contrepoids à l'armée. Mais les militaires n'en ont pas voulu, d'autant que les policiers étaient aussi formés en Angola. Ouais. Nouvelle réaction de rejet, par contre. Oui. Alors, pour être tout à fait complet, il me faut encore vous dire que la Guinée-Bissau doit aussi composer avec deux autres facteurs de déstabilisation. Un problème ethnique, d'abord. Comme dans de nombreux autres pays africains. Hein. Bien sûr. Là-bas, la principale source de conflit, c'est la rivalité entre les Métis et les Noirs. Je vous explique. Les Métis, qui sont d'origine capverdienne, sont les principaux acteurs du Parti de Libération Nationale. C'était le parti de Cabral. Alors, pour simplifier, ces Métis ont généralement exercé le pouvoir civil. Et ils ont suscité l'animosité de la plus grande ethnie du pays, les Balantes, qui ont eu le sentiment d'être marginalisés. Toutefois, ces mêmes Balantes sont fortement présents au sein de l'armée. Ah oui, d'où ce perpétuel conflit alors entre l'armée et le pouvoir civil. Exactement. Et ces putschs à répétition. Le deuxième facteur de déstabilisation se situe au nord. C'est-à-dire la Casamance, une province sénégalaise qui est en rébellion contre le pouvoir depuis 1982. Et cette proximité génère non seulement des violences, mais aussi de multiples trafics de part et d'autre de la frontière. J'ajoute, sans entrer dans le détail, que la France, via son meilleur allié africain, le Sénégal, n'a pas toujours été indifférente au sort de la Guinée-Bissau. Toujours à cause des richesses potentielles de la Guinée-Bissau ? Bien entendu. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. Alors, quelles sont-elles, ces richesses, là, plus précisément ? Bon, écoutez, je vais vite. On y trouve d'abord du phosphate, déjà exploité dans le nord du pays. Mais les réserves seraient considérables. Et comme la production mondiale diminue, ce phosphate aiguise bien les appétits. À commencer par l'Angola, dont j'ai déjà montré qu'il avait des vues sur la Guinée-Bissau. La preuve, c'est que l'an dernier, cet État a essayé d'obtenir un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU pour venir à bout de l'instabilité bissau-guinéenne chronique. Exploiter son sous-sol tranquillement. Autre richesse minière ? La bauxite, dont on a découvert un important gisement. Et là encore, l'Angola se verrait bien confier son exploitation. Enfin, bien sûr, il y a le pétrole présent dans les fonds sous-marins du golfe de Guinée. Toutes les grandes compagnies mondiales sont aux aguets. Mais l'exploration et ensuite l'exploitation ne pourront vraiment commencer que si la Guinée-Bissau recouvre une réelle stabilité. Et pour l'instant, c'est malheureusement une perspective lointaine. Car il faudrait d'abord débarrasser le pays des trafiquants de drogue qui y font la loi. Nous allons évidemment revenir avec Monsieur X sur cette instabilité permanente qui règne en Guinée-Bissau. Un pays sans État, écrit Christophe Champin dans son ouvrage « Afrique noire, poudre blanche ». Et il donne des exemples, extraits. En Guinée-Bissau, le meilleur allié des trafiquants est la quasi-absence d'État. Il y a bien des policiers, des gendarmes, mais la plupart ne sont pas formés, sont mal payés ou corrompus. Ceux, rares, qui se sont lancés, tant bien que mal, dans la lutte contre la drogue, travaillent sans aucun moyen et craignent pour leur vie. Orlando da Silva, ancien directeur de la police judiciaire, à l'origine des premières saisies records, on sait quelque chose. Il a été limogé peu après ses plus beaux faits d'armes pour des accusations d'implication dans le trafic de cocaïne qu'il nie catégoriquement. Son successeur, Lucinda Barbosa Aucarier, une femme à l'allure frêle mais déterminée, tente avec des moyens dérisoires de mener la chasse aux trafiquants. Elle travaille à partir d'un minuscule bureau dans les locaux délabrés de la police judiciaire près du marché central de Bissau. C'est vrai que nous n'avons pas de moyens. Pour vous dire, ajoute-t-elle calmement, nous n'avons même pas de menottes. Pas assez de munitions, pas de véhicules. Mais nous essayons de faire ce que nous pouvons. Dans un autre passage, l'auteur souligne que la PJ ne dispose que d'une machine à écrire et que la Guinée-Bissau ne possède aucune véritable prison. Pour vous donner une idée du chaos qui règne dans la petite Guinée-Bissau, je vous propose de voir rapidement quels ont été les événements marquants de l'histoire de ce pays depuis l'indépendance. Depuis 1974, donc. Hein. C'est d'abord le demi-frère d'Amilcar Cabral qui dirige le pays. Et à l'époque, l'union avec le Cap-Vert est toujours d'actualité. Ouais, c'était le rêve de Cabral. Hein. Qui voulait édifier un pays socialiste, respectueux de toutes les différences culturelles. Mais en 1980, le rêve s'écroule. La Guinée-Bissau connaît son premier putsch. Conduit par qui ? Un général. Bernardo Vieira, alias Nino Vieira. Cet officier a justifié son coup d'État par la sauvegarde de l'idéal révolutionnaire, mais aussi afin de dénoncer la ségrégation anti-noire au sein des instances du parti unique qui a lutté pour l'indépendance. Était-ce des prétextes ? Oui, pour instaurer une dictature militaire. Le socialisme originel est bien vite abandonné. Et le régime s'engage dans l'économie libérale en procédant, comme on dit pudiquement, à des ajustements structurels. Ouais, c'est-à-dire des coupes dans les acquis sociaux. Hein. C'est ça. En même temps, le pouvoir manie le bâton. En 1986, la répression s'abat sur les militaires de l'ethnie Balante qui avaient pourtant massivement adhéré à la lutte de libération nationale. Vieira, qui est Peul, les accuse de préparer un coup d'État. Le prétendu meneur, un ancien collaborateur de Vieira, l'officier Balante, Nawai, est atrocement torturé tandis que le vice-président Paolo Correa, l'un des plus importants commandants de la guerre de libération, et 6 de ses compagnons sont exécutés après un simulacre de procès. Le régime s'est durci, là. Hein. Incontestablement. Mais la principale difficulté du pays reste son économie. L'endettement de la Guinée-Bissau représente 3,5 fois son PNB. Là, il faut trouver une solution. Et Vieira tente un rapprochement avec la France qui contribue à l'adhésion de la Guinée-Bissau à la zone franc. Un mouvement qui s'accompagne d'une évolution politique vers le multipartisme. En 1994, Vieira, qui se sert des rapports de force ethnique, est confirmé à la présidence avec 52% des voix. Mais le pire est à venir. Le pire, c'est-à-dire ? En se rapprochant de la France, Vieira a joué aux apprentis sorciers. Mais expliquez-moi, là. Parce qu'il a heurté le sentiment de ses compatriotes qui sont restés plutôt lusophiles. Ouais, proche du Portugal. On va alors assister à un gigantesque cafouillage. Le point de départ, c'est un putsch organisé par le chef d'état-major, Ensuman Mané, accusé de soutenir la rébellion de Casamance. Ouais, contre le Sénégal. Et donc, indirectement, contre la France. Le résultat, c'est en 1998-99, une véritable guerre civile exacerbée par les anciennes puissances coloniales de la région, France et Portugal, et par les interventions militaires des voisins, le Sénégal et la Guinée-Conakry. Encore une fois, je n'entre pas dans les détails. Mais beaucoup de Bissau-Guinéens ont eu l'impression de vivre une seconde guerre de libération contre les armées étrangères qui sont intervenues dans leur pays. Une guerre très coûteuse. Sur le plan humain, il y aura 250 000 réfugiés et des centaines de morts à Bissau. Bissau, la capitale. Et comment ça se termine alors ? Début juillet, la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, se décide à étendre à la Guinée-Bissau le mandat de sa force d'interposition qui intervient déjà en Sierra Leone et au Libéria. Et tant bien que mal, le calme va revenir. Ouais. Mais sur le plan politique, alors, qui a gagné ? Après la formation d'un gouvernement d'union nationale en janvier 1999, une commission d'enquête du Parlement innocente le chef d'état-major Manet à propos de l'aide qu'il aurait apportée aux rebelles de Casamance. Ça, c'est une défaite pour le président Vira. Hein. Vira qui subit un second camouflet quand le gouvernement de transition exige le désarmement des 600 hommes de sa garde présidentielle. Aussi, s'estimant en danger, il se réfugie dans l'ambassade de France, puis celle du Portugal, tandis que le palais présidentiel est dévasté par une foule en colère et que l'ambassade de France est attaquée. La France qu'on juge donc en partie responsable des événements qui ont meurtri le pays. Absolument. Quant à Vira, il jugera plus prudent de rejoindre Lisbonne, en principe pour aller se soigner. Et Français et Portugais se retrouveront pour l'exfiltrer. Et la suite alors ? Bon, elle n'est pas moins mouvementée. Écoutez bien, en 2000, les élections présidentielles sont remportées par le leader de l'opposition, Koumba Yala, au détriment du chef du parti historique, président par intérim depuis mai 1999, Bachaï Sagna. En Sumane Mané, le putschiste de 1998 en profite pour s'auto-proclamer chef des armées. Mais un peu plus tard, il est tué lors d'un accrochage en brousse, ce qui accroît les tensions entre le gouvernement civil et les forces militaires, d'autant que le président Yala se révèle aussi autoritaire qu'inefficace. Bah, l'armée va le renverser. Bien évidemment. En septembre 2003, un président par intérim est installé grâce à l'intervention de la communauté internationale. Mais un an plus tard, patatras, l'armée se mutine une nouvelle fois. Et surprise, on assiste au retour du président prodigue. Nino Vira. Et miracle, il est élu en 2005. Mais ça ne règle pas grand-chose, car de fortes tensions demeurent entre la présidence et l'armée. Et la nomination en novembre 2008 d'un nouveau premier ministre, le richissime Carlos Gomes, un homme très bien noté à l'étranger, n'y change rien. Cinq jours plus tard, un groupe de soldats attaque à l'arme lourde la résidence présidentielle. Le président est blessé ? Non, il s'en sort sain et sauf. Le contre-amiral Bubo Natsuto, très populaire au sein de l'armée, est accusé d'avoir mené l'opération. Il est immédiatement mis aux arrêts. Mais il ne tarde pas à être libéré et part en exil dans la Gambie voisine. Ouais. Retour au calme ? Oui, mais très provisoire. Trois mois après, les deux hommes forts du pays sont assassinés à quelques heures d'intervalle. Le premier, c'est le chef des armées, Takmé Navaï. Ah, c'est celui qui a été torturé dans les années 80. Oui, ouais. Oui, il décède dans une explosion télécommandée qui détruit son QG. Quant au second, c'est le président en personne. Vira. Lui-même. Il est sauvagement battu à coups de machette et achevé par balle dans sa propre résidence qui a été attaquée à nouveau à l'arme lourde par des militaires qui voulaient vraisemblablement venger la mort de leur chef. Ouais, qui aurait été peut-être liquidé par Vira. Peut-être. Encore que la sophistication de l'assassinat fait plutôt penser à un attentat perpétré par les narcotrafiquants. Et pourquoi ces narcotrafiquants l'auraient tué ? Navaï avait la réputation d'être un des rares officiers à n'avoir pas été mêlé aux affaires de corruption et de trafic de drogue. Une semaine avant sa mort, il avait découvert une cachette dans un hangar de l'état-major. Il y avait là 200 kilos de cocaïne. Il avait exigé une enquête immédiate. Et les narcotrafiquants auraient décidé de l'éliminer pour étouffer l'enquête. C'est très possible. Quant au président Vieira, il aurait pu être liquidé par son premier ministre, Gomes, avec lequel les relations étaient très tumultueuses. Gomes qui aurait pu canaliser la colère des militaires contre le chef de l'État, mais ça n'est qu'une supposition. Et qui succède alors à Vieira ? Bachaï Sagna, qui avait été évincé en 2000. On recommence, quoi. Une observation avant de poursuivre. Aucun président bissau-guinéen n'est allé au terme de son mandat. Un fauteuil dangereusement instable. Ah, c'est certain, mais enfin je poursuis. En avril 2010, une mutinerie éclate à l'intérieur même des forces armées. Le chef d'état-major est renversé par son adjoint, Antonio Ingai, tandis que le premier ministre Gomes est brièvement détenu. Et en même temps, on assiste au retour d'exil de Bubo Natsuto. Et bien qu'il soit considéré par les Américains comme le personnage clé du trafic de cocaïne, il est réhabilité et retrouve son poste de chef d'état-major de la marine. Ouais, le président est donc complètement dans les mains des militaires. C'est évident, il est pieds et mains liés, ce sont les narcotrafiquants qui commandent. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans un numéro de 2010 de la revue Alternatives Internationales, Vincent Fouché, un des meilleurs spécialistes de la Guinée-Bissau, analyse la stratégie des narcotrafiquants d'Amérique latine qui, dès le début des années 80, ont imaginé d'utiliser les pays africains occidentaux pour approvisionner l'Europe en cannabis, puis en cocaïne et héroïne. La suite avec Fouché. La Guinée-Bissau ne fait donc qu'entrer à son tour dans la danse ouest-africaine. Peut-être doit-on s'interroger sur la coïncidence entre cette entrée tardive et le retour à la tête du pays de Nino Vieira, qui en avait été chassé en 1999 après presque 20 ans de pouvoir par une révolte militaire. 6 ans plus tard, en 2005, Vieira avait finalement réussi à convaincre les militaires de le laisser regagner le pays et avait remporté l'élection présidentielle. D'aucuns se demandent si Vieira n'a pas rallié le soutien d'une partie au moins de l'armée en la branchant sur le trafic de drogue. N'était-il d'ailleurs pas un allié de celui qui présidait alors la Guinée-Conakry, Lansana Conté, lui-même très fortement soupçonné d'être impliqué dans le trafic? En mars 2011, je vous l'ai dit tout à l'heure, des militaires angolais arrivent. Oui, en principe, pour aider la Guinée-Bissau à réformer son secteur de la défense. Mais bien sûr, ils ont aussi des arrière-pensées. Oui, la main mise sur les richesses minières du pays. On peut l'imaginer, mais cette irruption des soldats angolais qui débarquent avec de l'armement lourd suscite la méfiance, puis l'hostilité de l'armée bissau-guinéenne. Et d'abord parce que ça gêne ses petites affaires. Oui, il y a les trafics. Hein. Par conséquent, les militaires se livrent à leur sport favori. Un nouveau putsch. Le 6e en 3 ans, et cette fois, le meneur, c'est le chef de la marine, Boubou Natshuto. Le Premier ministre, Gomez, se réfugie à l'ambassade angolaise. Mais on assiste à un putsch dans le putsch. Le chef d'état-major, Antonio Ndjai, se retourne contre son frère d'armes et le fait arrêter. Quelle est l'explication? C'est très simple. Si Ndjai met sur la touche Natshuto, c'est qu'il veut être le seul à contrôler le trafic. C'est donc lui, alors, le nouvel homme fort de la Guinée-Bissau. Et plus que jamais, l'armée veut obtenir le départ des Angolais. Les Angolais qui ne sont pas non plus indifférents aux fantastiques revenus du trafic de drogue. Ils y participent, eux aussi. Oh, bah, c'est vraisemblable. Intervient alors une séquence particulièrement trouble et compliquée. Bah, c'est pas la première fois dans ce pays. Hein. C'est exact. Alors, pour résumer, voilà le président Sagna, très malade. Il meurt en France en janvier 2012. Le Premier ministre, Gomez, se porte candidat et gagne le premier tour de l'élection présidentielle. Mais quelques jours avant le second tour, l'armée intervient. Encore un putsch. Qui est clairement dirigé contre Gomez. On assiste alors à un vrai tour de passe-passe. L'homme fort de l'armée, Ndjai, est en principe hostile à ce nouveau putsch. Il est même arrêté. Mais en réalité, il y a fort à parier que c'est lui qui a tout manipulé. Car lorsque l'armée regagne ses casernes, il est libre et plus puissant que jamais. Effet notable, les Angolais, bon, sans doute lassés, finissent par se retirer de Guinée-Bissau. Et ce Gomez-là, ben, il a dû passer la main, s'est réfugié à Abidjan. Qui gouverne alors? L'armée, même si elle a confié les rênes à un pouvoir civil fantoche. Et la principale opposition est désormais extérieure. Qui? Bah, les instances internationales qui réclament le départ des militaires et évoquent de nouveau l'envoi d'une force d'interposition sous l'égide de l'ONU. En même temps, coup très dur pour la Guinée-Bissau, les bailleurs de fonds internationaux, Union européenne, États-Unis, Brésil, Banque mondiale, etc., décident de suspendre leur aide. Et c'est d'autant plus grave que depuis longtemps, le pays vivait sous perfusion. Voilà donc où on en est aujourd'hui. Ah non, j'oubliais. En octobre 2012, il y a une autre tentative de putsch fomentée, selon Ndjai et ses amis, par le Portugal et l'Angola. Une accusation solide? J'en doute. Mais l'événement le plus important, je l'évoquais au début de cet entretien, ça a été l'entrée en scène des États-Unis sur le front de la lutte antidrogue. Oui, c'est-à-dire l'arrestation de Natshuto et l'inculpation du chef des armées, Ndjai, pour trafic de drogue, c'est ça? Alors, oui, avant de voir comment les Américains ont joué, un petit retour en arrière sur le trafic de drogue. Et d'abord, quelques chiffres. Le Bureau des Nations Unies contre les drogues et le crime estime qu'au moins 46 tonnes de cocaïne ont transité en Guinée-Bissau entre 2005 et 2009. Autre chiffre édifiant. En 2007, la valeur de la cocaïne rentrant dans le pays a été équivalente au PIB annuel du pays, soit 222 millions d'euros. Enfin, la DEA états-unienne affirme qu'aujourd'hui, entre 800 kilos et une tonne de drogue entreraient chaque mois en Guinée-Bissau. Oui, c'est considérable. Hein. Et puis ça inquiète depuis plusieurs années la communauté internationale. D'autant que les autorités locales, quand elles ne sont pas complices, sont impuissantes à juguler le trafic. En septembre 2006, la police saisit plus de 650 kilos de cocaïne. Conservés dans les locaux du ministère des Finances, ils disparaissent après le passage d'hommes vêtus en militaire. Autre exemple fâcheux. En juillet 2008, un avion en provenance du Venezuela atterrit à l'aéroport civil de Bissau. La PJ devra attendre 5 jours avant d'être autorisée à effectuer une perquisition à bord. Ouais, le temps que l'avion soit vidé de sa cargaison de coke, quoi. Bien entendu. N'empêche que 6 suspects sont arrêtés, dont 2 officiels bissau-guinéens et 4 sud-américains. Les jours suivants, ces derniers s'enfuient. Quant aux 2 autres, ils sont bientôt libérés car il n'existe pas une prison digne de ce nom sur le territoire. Enfin, 6 mois plus tard, l'affaire est classée sans suite. Je vous rappelle aussi un curieux événement que j'ai évoqué lorsque je vous ai parlé du Sahel. Oui, le Sahel où évoluent nombre de narcoterroristes. Dont les activités ont été récemment gênées par l'intervention française au Mali. D'où une recrudescence du trafic sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Alors, cet événement, en novembre 2009... Un Boeing 727 est retrouvé incendié dans le désert malien. Sa cargaison, sans doute plusieurs tonnes de drogue, a disparu. Parti du Venezuela, ce gros porteur n'était destiné qu'à faire un aller simple. Détail révélateur, l'appareil était immatriculé en Guinée-Bissau. Comme par hasard. Et comme par hasard aussi, depuis avril 2012, c'est-à-dire depuis que le général Ndiaye est le vrai patron de la Guinée-Bissau, les experts de l'ONU observent une recrudescence du trafic de drogue. Alors, j'en viens à cette spectaculaire opération montée par la DEA états-unienne. Tout commence au milieu de l'année 2012. Des agents infiltrés de la DEA, qui se font passer pour des guerrieros des FARC colombiennes, prennent contact avec les militaires bissau-guinéens. Ouais, les FARC qui financent leur combat, on le sait, hein, grâce au trafic de drogue. Alors d'abord, on échange des coups de téléphone et des courriers électroniques. Puis, les faux guerrieros se rendent en Guinée-Bissau, où ils rencontrent physiquement leurs clients. Des rencontres qui sont naturellement filmées clandestinement. Mais par les Américains. Mmh. Et quels sont les termes du marché, là ? Les pseudo-colombiens proposent un troc. Ils veulent des armes contre la livraison de 5 tonnes de cocaïne. Et de la part de la DEA, c'est très malin. Expliquez, là. Ces armes, des fusils d'assaut et des lance-grenades provenant des arsenaux de l'armée bissau-guinéenne seront ensuite censés être utilisés par les FARC dans leur lutte contre les forces états-uniennes qui, en Colombie, sont chargées d'éradiquer la culture et le trafic de drogue. Comprenez ? Si ces militaires corrompus sont arrêtés, ils pourront aussi être inculpés pour terrorisme. Oui, ça, ça coûte plus cher. Et ça permet de justifier juridiquement une opération de la DEA hors du territoire des États-Unis. Quoi qu'il en soit, les tractations avancent. Les militaires bissau-guinéens proposent d'acheminer la cocaïne fournie par les FARC dans des containers d'uniformes militaires. Ils mettent aussi sur pied une société écran en Guinée-Bissau pour réexporter la cocaïne vers les États-Unis. Enfin, bien sûr, on discute précisément de la nature des armes qui seront fournies. Et qui sont exactement les interlocuteurs des faux guerrieros ? Ce sont Bubo Nachuto et 2 de ses acolytes. Mais attendez, je croyais que c'était le chef de l'armée là, qui contrôlait désormais le trafic. Certes, mais prudemment, il est resté en retrait. Et entre nous, je pense qu'il n'est pas mécontent de voir que Nachuto, ce rival qu'il vient de supplanter, est en première ligne, même s'il pense ensuite le doubler et récolter une partie de la manne résultant de la transaction. En tout cas, malgré sa prudence, Ndiaye a participé au moins à une réunion avec les faux guerrieros. Et ça permettra plus tard de l'inculper, alors. Naturellement. Ouais. En novembre 2012, la transaction est pratiquement bouclée. Au cours d'une nouvelle rencontre, un adjoint de Nachuto affirme qu'il a réussi à se procurer des missiles sol-air qui pourront être utilisés contre les hélicoptères américains opérant en Colombie. Puis c'est le piège. Et attendez, plus précisément alors. Nachuto commet une terrible erreur. Il accepte de se rendre sur un bateau affrété par les faux guerrieros des FARC afin de prendre livraison d'une cargaison de drogue. Ce bâtiment est ancré dans les eaux internationales, au large des îles du Cap-Vert. Ouais, quand Nachuto est à bord, les agents de la DEA jettent le masque. Le contre-amiral est immédiatement arrêté, rapidement exfiltré vers les États-Unis. Mais Injai, lui, n'est pas tombé dans le traquenard. Non. Les agents américains ont pourtant tout tenté pour essayer de lui faire quitter son pays, mais Injai s'est méfié et il est resté chez lui. Alors pour la DEA, il s'agit donc d'un demi-succès. Ah, même si un juge de New York a décrété l'inculpation d'Antonio Injai pour conspiration avec les FARC et trafic de drogue. Les mêmes chefs d'inculpation qui pèsent sur Nachuto. Juridiquement, est-ce que ça tiendra là? Parce qu'à l'origine, il y a quand même une provocation des agents de la DEA. C'est vrai. Mais il y a les enregistrements effectués par les faux guerrieros. En droit américain, c'est suffisant pour obtenir une condamnation. Et en dehors du fait que les États-Unis ont, à cette occasion, envoyé un signal fort en direction des États africains laxistes ou aveugles. Ouais, ceux qui ferment les yeux sur les trafics qui existent chez eux, quoi. Oui. Eh bien, ils ont aussi ruiné l'avenir politique d'Injai, qui aura du mal à demeurer l'homme fort de la Guinée-Bissau. Fin d'un parrain de la drogue. Et il ne m'étonnerait pas qu'un jour prochain, il soit la victime d'un nouveau putsch. À moins, on peut toujours rêver que le pouvoir civil ne se ressaisisse et impose enfin sa volonté à ses militaires factieux et corrompus après les élections présidentielles théoriquement prévues en novembre prochain. Je vous rappelle le titre du livre de Christophe Champin, « Afrique noire ». Poudre blanche, l'Afrique sous la coupe des cartels de la drogue, un ouvrage publié par André Versailles, éditeur. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter ce programme et même nous poser des questions. Rebecca de Nantes a préparé cette émission qui a été réalisée par Michel Biou, mise en musique par Monsieur Djoumb. Et tout de suite, après les informations, CO2, mon amour de Denis Chessou.